toucher la laine de cow-boy. C'est mal peigné, c'est décoiffant. Ouais, respirer la laine de cow-boy, ça fait pas frais, c'est effrayant. Il dérive la tête en bas au milieu de son lit. The car.